Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur ? Qui ose tenir ces paroles ? Je crois connaître cette voix. Oh, monsieur ! C'est un spectre ! Je le reconnais au marché ! Spectre, fantôme ou diable, je veux voir ce que c'est. Au ciel ! Voyez-vous, monsieur, ce changement de figure ! Non, non ! Rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je veux éprouver avec mon épée si c'est un corps ou un esprit. Oh, monsieur, rendez-vous à tant de preuves et jetez-vous vite dans le repentir. Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi.